Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 octobre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. 3 mois sans Jean Bigrimana, cela fait exactement 90 jours que notre confrère est introuvable. Ce journaliste du groupe de Pressy Watch a été enlevé le vendredi 22 juillet dans l'après-midi à Bougarama, province Muramvya. Le mystère de sa disparition reste toujours entier. 5 personnes ont été déjà tuées en moins de 2 semaines dans la province de Rumonge. Le gouverneur de cette province dit que ces tueries sont liées aux gens qui veulent se faire justice. Le reportage du jour nous conduira en province de Chibitoke. Là-bas, l'école fondamentale de la colline Gisumo, dans la zone Rubona, en commune Mugina, manque presque de tout, comme a pu le constater notre reporter. Voilà pour le sommaire. Bonjour, cela fait exactement 3 mois, jour pour jour, que notre confrère Jean Bigrimana est introuvable. Ce journaliste du groupe de Pressy Watch a été enlevé le vendredi 22 juillet dans l'après-midi à Bougarama, c'est en province de Muramvya. Des organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme et ceux des journalistes n'ont cessé de demander de la lumière sur ce qui est advenu à notre confrère. On n'en sait rien pour l'instant et le groupe de Pressy Watch a saisi la justice en déposant une plainte contre X devant le ministère public. C'était le 26 août. Selon Sylvestre Nyandgui, procureur général de la République, le ministère public a ouvert un dossier d'information, mais précise-t-il, il n'y a pas encore de dossier pénal qui ait été ouvert. Un dossier d'information sert à rassembler les dépositions de toute personne qui a quelque chose à dire en rapport avec le cas. Selon toujours Nyandgui, seule l'épouse de Jean Bigrimana a déjà fait sa déposition. On retiendra que la dernière personne à avoir appelé Jean Bigrimana avant sa disparition est un certain Abel Aïcha qui est. Pour rappel, le groupe de Pressy Watch a mené plusieurs missions de recherche dans la province de Muramvya, où selon toute vraisemblance, le journaliste Bigrimana aurait disparu. Ils ont abouti à la découverte de 2 corps sans vie dans la rivière Mubarazi, dont un était décapité. La police a affirmé qu'aucun des corps n'était celui de Jean Bigrimana, mais il n'y a pas eu de test ADN, comme Iwachu le souhaitait. Le mystère de la disparition de Jean Bigrimana reste donc toujours entier. Les tueries qui sont rapportées ces derniers jours en province de Rumonge sont liées aux gens qui veulent se faire justice. Cette lecture des faits est de Juvenal Bigrimana, gouverneur de la province de Rumonge, qui ajoute que certains des auteurs ont déjà été arrêtés. Il demande à sa population d'éviter de se faire justice en cas de différend et d'ajouter que des réunions de sensibilisation irrelatives sont en train d'être menées. Ces précisions interviennent au moment où 5 personnes sont déjà tuées en moins de 2 semaines dans cette province de Rumonge. Suivez Juvenal Bigrimana, c'est le gouverneur de la province de Rumonge au téléphone tout à l'heure avec Placide Niomongere. Les gens ont été tués, mais on a vu que ce sont des malfaiteurs qui ont quelques conflits avec les gens tués. À Bougarama, dans la zone de Rutemé, 3 personnes ont été tuées. Et puis les gens qui les ont tués, on les a déjà arrêtés à Mugamba. Et bientôt, on compte organiser même une réunion. On va montrer à la population ces gens, il reste 1 personne. Et puis, à Burambi, 1 personne a été tuée. Fusillés avec des enquêtes prouvent qu'il y a des conflits. C'était le chef collinaire qui était visé. Et puis, c'était à Bougarama aussi, là où il y a des gens qui ont pris des machettes et puis ils ont tué quelqu'un, l'accusant des sorciers. J'interprète cela, je vois que ce sont des gens qui veulent se faire justice. Je lance un appel à tout le monde, que c'est lui qui voit qu'ils sont en conflit, qu'ils ne se fassent pas justice. Pour consolider la paix dans votre province de Rumonge, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Même si on amène beaucoup de policiers, sans la population qui collabore avec eux, je pense qu'ils ne peuvent pas. C'est de fortifier ces comités mixtes. Et puis, deuxième chose, c'est de faire des réunions de sensibilisation pour décourager ces gens. Voilà, c'était le gouverneur de la province de Rumonge au téléphone avec Placide Niyomongere. Une activité de dépistage volontaire du diabète a été faite ce samedi par l'Association burundaise des étudiants en médecine en collaboration avec l'Association des infirmiers pour l'assistance des diabétiques. Le diabète continue à faire des ravages, comme l'indique Franck Nziza. Il est président de cette association des étudiants en médecine. Il dit que cette activité s'inscrit dans les stratégies de freiner la recrudescence de cette maladie parce qu'elle permet de faire une prévention. Les détails avec Alida Naïked. Ce dépistage de masse sur le diabète et les autres maladies cardiovasculaires a été organisé pour faire la prévention car il se remarque une prolifération de ces maladies, comme l'indique Frank Nziza, président de l'ABM. Nous avons vu que le diabète et ses facteurs de risque constituent un problème de santé publique. C'est pour cette raison que nous avons jugé important d'organiser cette activité pour pouvoir faire un dépistage précoce et faire en sorte que les gens puissent faire une prévention et ceux qui ont déjà le diabète puissent avoir des conseils et vivre longtemps avec le diabète. Une des personnes qui participe à cette activité dit que ce dépistage permet de savoir l'état de sa santé. Pour tester l'état de ma santé, pour vérifier si je ne suis pas disposé à attraper le diabète. Juste quelques informations sur le fait que cette maladie, je pense que ce n'est pas une maladie, c'est même un dysfonctionnement organique. Compte tenu de mon âge, la cinquantaine, je ne suis pas disposé à en souffrir. C'est une activité préliminaire dans une série d'autres activités qui suivront. Près de 10% de la population burundaise vivent avec le diabète. Alida Ndaïkeza. Et ce 22 octobre, nous célébrons la journée mondiale du bégaiement. L'association Vaincre le bégaiement au Burundi déplore qu'aucune personne burundaise ne soit formée professionnellement dans le traitement du bégaiement, d'où le manque de perspectives théoriques, le manque d'approche clinique et le manque de pratiques thérapeutiques du bégaiement. Les professionnels pourraient nous amener à des recherches de base, à savoir les causes du bégaiement ainsi que les problèmes psychiques liés au bégaiement, les recherches sur les résultats orthophoniques et les interventions de la santé mentale pour les préscolaires, les enfants d'âge scolaire, les adolescents et les adultes. Cette association Vaincre le bégaiement au Burundi demande au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et à la société burundaise de faire tout leur possible afin que l'on puisse avoir des Burundais qui suivent une formation académique en trouble de l'affluence, le bégaiement donc et le bredouillement, pour trouver la solution à cette problématique qui hante un certain nombre de gens. Il est 13h. 3 minutes à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 23 vaches et leurs bergers ont été arrêtés par des militaires dans la réserve naturelle de la Rukoko ce jeudi. Ils ont été acheminés dans l'enclos aménagé par le ministère de l'Environnement et ils sont accusés de divagation dans cette réserve protégée. Beaucoup de précisions avec Space Caritas Kavanyana. Ces vaches, au nombre de 23, ont échappé aux bergers et sont allées à la recherche des pâturages de l'herbe encore fraîche dans la réserve naturelle de la Rukoko. Elles se sont heurtées aux patrouilles des militaires qui les ont conduites avec le berger qui allait à la recherche dans un enclos aménagé par l'INCN destiné à la détention des bêtes attrapées dans cette réserve protégée, accusée donc de divagation. Pour le moment, les agents de l'INCN exigent une amende de 2 300 000 francs burundais pour les relâcher, c'est-à-dire que c'est 100 000 francs par vache, comme ça a été fixé par les autorités provinciales dans le but de la sauvegarde de la sécurité et pour protéger cette réserve naturelle de la Rukoko. Les propriétaires ne l'entendent pas de cette oreille et demandent plutôt de payer au moins 20 000 francs par vache, une amende qui est normalement payé dans des cas pareils selon les mêmes sources. Ces vaches qui viennent de passer 3 jours sans manger et sans boire risquent d'avoir des problèmes comme le déplorent les propriétaires et demandent qu'elles soient relâchées dans les meilleurs délais sinon que les agents de l'INCN endossent les responsabilités. Space Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Environ 2000 hectares de forêts, de boisements et prairies étaient déjà réduits en cendres à la fin du mois de septembre dernier. La criminalité est la principale cause de ces incendies, selon ingénieur Renova Niyomongere, responsable de l'antenne provinciale de l'OBPE à Bururi, qui espère une nette amélioration avec l'application de la nouvelle loi protégeant les forêts au Burundi. Et en actualité internationale, nous allons au Cameroun où beaucoup de personnes sont mortes dans le déraillement d'un train. Yves. Après le Burundi, l'Afrique du Sud a annoncé vendredi 21 octobre son retrait de la Cour pénale internationale. Une lettre a été envoyée mercredi 19 au secrétaire général des Nations Unies pour notifier cette décision. Le départ de l'Afrique du Sud de la CPI aura lieu dans un an à compter de la date de réception de cette missive. Le ministre sud-africain de la Justice a motivé cette décision en expliquant que l'adhésion à la CPI est en contradiction avec l'obligation faite à l'Afrique du Sud de respecter l'immunité diplomatique de certains dirigeants. Au Cameroun, entrée a déraillé à hauteur de ce cas entre Yaoundé et Douala vendredi 21 octobre à la mi-journée. Les wagons étaient bondés car la route était coupée. Dernier bilan de la catastrophe, au moins 75 morts et plus de 600 blessés. Au lendemain du drame, les messages de condoléances continuent à affluer sur les réseaux sociaux. Le travail de secours n'est pas encore terminé car de nombreux corps restent coincés sous la mât de ferraille. Voilà, c'était Yves. Dans l'actualité internationale, je vous l'avais dit, l'école fondamentale de la colline Gisumo dans la zone Rubona, commune Mugina de la province Cibitoke, se trouve dans une situation déplorable car en plus de ses locaux qui sont inachevés, cette école manque de manuels scolaires et des enseignants. Certains parents de cette localité se plaignent en disant qu'on leur fait payer de l'argent pour contribuer aux activités scolaires. Le directeur de cette école ainsi que les parents demandent une assistance pour que leurs enfants puissent étudier convenablement. Voilà, le reportage n'est pas prêt. Ce n'est que partie remise pour le soir. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous rappelle que cela fait exactement 90 jours que notre confrère est introuvable. Jean Bigilimana du groupe de Pressi Wachu a été enlevé le vendredi 22 juillet dans l'après-midi à Bougarama en province Mourambia. Le mystère de sa disparition reste toujours entier. Et 5 personnes sont déjà tuées en moins de 2 semaines dans la province de Lomongue. Le gouverneur de cette province dit que ces tueries sont liées aux gens qui veulent se faire justice. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana. Un bon après-midi. Revue de la presse. Bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le mandat de Déby, titre le journal Iwachu. Une déclaration du chef d'État tchadien Idriss Déby Itno, soutenant l'actuel président burundais, crée une polémique entre, je cite, les appétits électoraux des dirigeants africains et les dysfonctionnements de l'Union africaine. Le numéro 1 tchadien et président en exercice de l'Union africaine a déclaré, je cite, « En réalité, le président Nkurunziza a fait 2 mandats, un mandat constitutionnel et un mandat hors constitution. Pour lui, la crise que traverse le Burundi est venue de l'extérieur. » S'exprimant sur les ondes de la radio allemande Deutsche Welle lors de sa récente visite officielle dans ce pays, Itno a souligné, je cite, « Les crispations, les crises en Afrique viennent souvent de l'extérieur que de l'Afrique à l'intérieur. » Au numéro 1 tchadien d'ajouter que si on avait laissé les Burundais simplement entre eux gérer leurs problèmes sur la base de leur constitution, nous ne serions pas allés dans cette situation. Une position du chef d'État tchadien qui contraste, écrit l'hebdomadaire, avec celle de la commission de l'UA et du Conseil de sécurité de l'UA qui insiste sur le dialogue entre Bujumbura et l'opposition pour résoudre la crise burundaise. Vers le changement de la constitution dans notre pays, se demande l'agence Net Press. Plusieurs partis politiques ont ratifié avec le gouvernement ce 19 octobre un document qui contient une trentaine de points, mais dont l'essentiel est l'amendement de la constitution en fonction des discussions du dialogue interne. L'on devrait également revoir l'accord d'Arusha. Lancé que le gouvernement a toujours plaidé pour que la Constitution soit au-dessus de l'accord d'Arusha et qu'à travers le dialogue interne, le nombre de mandats devrait être illimité selon le dialogue interne. L'on sent également que la liberté de la presse est de nouveau verrouillée car les journalistes ne devraient plus donner la parole aux personnes qui s'autoproclament président des partis politiques, écrit toujours cette agence. Les centres d'enseignement des métiers boudés, titre l'hebdomadaire Iwachu. Les inscriptions dans ces centres ont débuté mardi 11 octobre, avant même le début de la formation. Ces établissements font face à plusieurs défis. Pas de programme, ni de matériel suffisant, un engouement faible des apprenants. Tels sont les défis auxquels font face les CEM. Ceux qui ont échoué au concours national boudent de ces établissements. Jusqu'à ce mardi, les professeurs du centre d'enseignement de Moussaga ont affirmé qu'il n'y avait pas encore eu d'enregistrement dans la section bâtiment. Seuls 9 élèves se sont inscrits dans la section couture et 2 attendent le début de la section informatique, a affirmé un enseignant sous couvert d'anonymat. Les anciennes sections sont en voie de disparition dans les écoles privées, selon le journal La Voix de l'enseignant. Dans l'optique d'avoir des effectifs des élèves capables de supporter le coût de fonctionnement par le minerval qu'ils payent, les responsables des établissements secondaires privés de la ville de Bujumbura ont supprimé les anciennes sections du cycle supérieur des humanités, à savoir lettres modernes et scientifiques, au profit de celles qui sont plus convoitées. La Voix de l'enseignant parle de filières techniques comme banque et assurance, hôtellerie et tourisme et informatique de gestion. Ces écoles ont besoin de grands effectifs pour améliorer les recettes des frais scolaires, seule source de financement pour le fonctionnement et le paiement des salaires de personnel. Les parents doivent tout supporter, mais il y en a qui disent être incapables de continuer à scolariser leurs enfants dans les écoles privées. Le chômage des jeunes hypothèque dangereusement tous les efforts de développement durable, écrit la BP. Lors du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la politique de l'emploi, le ministre burundais de la fonction publique a reconnu que la situation des jeunes non occupés hypothèque dangereusement les efforts de développement, raison pour laquelle Félix Mozeliniga a promis que le gouvernement burundais, en collaboration avec ses partenaires, se sont mis ensemble pour mettre en place une politique nationale cohérente et inclusive d'emploi. Revue de la presse. Le journal Burundi Echo revient sur la célébration de la journée mondiale dédiée à la femme rurale. Selon notre confrère, c'est une clé pour éradiquer la pauvreté. La production agricole de la femme, dont elle est souvent spoliée par son mari, n'est pas consistante pour être compétitive sur le marché. Obtenue souvent à partir de petites portions de terres morcelées, suite à l'augmentation de la population et la femme ne pouvant pas retourner chez elle pour exploiter la propriété qu'elle n'a pas héritée suite à la loi sur la succession qui n'a pas encore été adoptée, cette production n'est là que pour assurer la survie des ménages. Une maladie qui tue en silence. Il n'y aurait pas nombre de gens, écrit l'hebdomadaire Iwachu, l'érispèle est une infection du derme qui tue pourtant en très peu de temps si elle n'est pas soignée. Une fièvre intense tout au début, 40 degrés Celsius, des sensations de brûlure au niveau de la jambe, membre inférieur, puis enflement accompagné de douleurs, c'est ce qu'a vécu un malade qui a parlé au journal Iwachu, souffrant d'érispèle depuis plus d'un mois. Le docteur Mupira, dermatologue, indique que l'érispèle est l'une des dermatoses courantes observées. Elle est due à une bactérie appelée streptocoque qui entre dans le derme et provoque une infection. Mortelle en très peu de temps et peut cependant être traitée par une injection de l'antibiotique pénicilline G, une dose forte injectable pendant une dizaine de jours. Cette semaine, le journal Iwachu met en rose Jacques Nshimirimana, président de la FENADEB, pour avoir reçu en Allemagne ce 18 octobre l'Aura Child Protection Award suite à son engagement en faveur des droits des enfants burundais. En baisse se trouvent certains Imbonerakure du nord de la capitale pour avoir tabassé le 17 octobre 3 personnes dont 2 chefs de cellule en zone Buterere accusés sans preuve d'avoir souillé un monument du parti au pouvoir. Ainsi s'achève cette revue de la presse. Elle vous a été présentée par Ali Dandaikeza et Mihai Kanyange. Nous vous souhaitons de passer de bons moments. À la prochaine. Revue de la presse.